En Corée, on assiste activement à la réparation des dégâts de la région septentrionale de la province du Hamgyong du Nord. Divers centres de production du ciment, comme les complexes de ciment de Sangwon et de Suncheon, ont achevé le plan de production du ciment. Les usines relevant du comité de la construction de la capitale créent l'innovation dans la production des pièces d'assemblage. Les provinces du Chagang, du Liangang et d'autres ont envoyé bien d'articles indispensables à la vie, les matériaux de construction, les cloisons mobiles et les outils de bâtiment. La ville de Kaesong a envoyé bien d'articles scolaires et de matériel didactique.